بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc bienvenue à tous. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. Donc nous allons poursuivre l'explication du livre de la purification de Bulugh al-Maram. Et nous allons commencer aujourd'hui un nouveau chapitre, qui est le chapitre des récipients. Et mentionner le chapitre des récipients après celui des eaux est une habitude chez les savants. Et la cause à cela est que l'eau est un liquide pour lequel un récipient est nécessaire. Et il est donc important de connaître les différents jugements et règles concernant les récipients. Et l'une des choses qu'il est bon de savoir concernant les récipients est que la base dans ceux-ci est qu'ils sont licites et permis. Car ceci fait partie de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé pour nous sur la terre. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans surat al-Baqarah: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Et les savants se sont basés sur ce verset pour dire que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé sur la terre est licite pour nous, sauf ce qui est mentionné comme étant interdit dans le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de ce fait, tous les récipients sont licites. Il t'est permis de boire et de manger dans n'importe quel récipient, sauf les récipients qu'Allah et son prophète nous ont interdits. Et les récipients qui nous ont été interdits sont ceux d'or et d'argent. Et pour montrer cela, l'auteur a commencé par le hadith de Hudhayfa ibn al-Yaman, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Et avant de rentrer dans l'explication du hadith, il est bon de mentionner quelque chose d'important concernant ce compagnon. Hudhayfa ibn al-Yaman, qu'Allah l'agrée, était l'un des compagnons le plus savant concernant les troubles. Et quelqu'un pourrait se demander comment a-t-il fait pour être l'un des compagnons le plus savant concernant les troubles. Car à notre époque, les troubles sont nombreux. Donc savoir comment a fait Hudhayfa ibn al-Yaman, radiallahu anhu, pour atteindre ce rang, sera forcément bénéfique pour nous. Et la réponse à cette interrogation, ikhwani fillah, est que Hudhayfa ibn al-Yaman, radiallahu anhu, avait l'habitude de questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet du mal. Hudhayfa ibn al-Yaman disait: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. حذيفة بن اليمان il disait: les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم questionnaient le messager d'Allah concernant le bien et moi je le questionnais concernant le mal de peur qu'il m'atteigne. Et il a beaucoup profité des réponses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est devenu l'un des compagnons les plus savants dans les troubles, jusqu'à ce que beaucoup de compagnons, radiallahu anhum, revenaient à lui en période de troubles. Et avec ça, ikhwani fillah, nous pouvons réfuter certains fauteurs de troubles parmi les sectaires, qui lorsque tu questionnes sur les innovateurs, ou sur les différentes sectes et autres, ils vont te dire, ceci est une perte de temps. Ils vont même te dire, apprends le Coran, fais du dhikr, ne t'occupe pas de cela. Et cette parole montre leur ignorance. Naam, il faut lire le Coran, il faut faire du dhikr. Mais avec ça, il faut connaître le mal pour s'en écarter. Et tellement ils ne se sont pas intéressés à la connaissance du mal et des troubles, ils ont fini par y tomber, car ils n'ont pas suivi cette voie sunni, qui est la voie du juste milieu. Étudier le bien, mais aussi étudier le mal, pour s'en préserver. Qu'Allah fasse miséricorde à notre cheikh Yassine ibn Ali al-Adani. Il avait pour habitude de nous rappeler ce genre de sujet pour que ses fondements s'ancrent. Et un jour, qu'Allah lui fasse miséricorde, il rapporta une recommandation de son cheikh, qui n'est d'autre que cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il dit donc, il convient à l'étudiant en science de consacrer 15 minutes par jour pour lire dans les livres de réfutation. Pourquoi, selon vous, ikhwani fillah, consacrer 15 minutes par jour pour lire dans les livres de réfutation? Car celui qui lit dans les livres de réfutation, il apprendra les ambiguïtés des sectaires et pourra s'en écarter, et il saura aussi comment les réfuter. Et lorsque nous regardons les frères walillahilhamd qui ont mis en pratique cette recommandation, ils ont été par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala préservés des troubles qui sont venus par la suite. Alors que pour la plupart de ceux qui n'ont pas mis en pratique cette recommandation, ils sont tombés dans les troubles. Et c'est à Allah subhanahu wa ta'ala à qui on demande le secours. Donc Hudhayfa ibn al-Yaman, radiallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: ne buvez pas dans des récipients d'or et d'argent, et ne mangez pas dans des plats d'or et d'argent. Ils sont pour eux ici-bas, et pour vous dans l'au-delà. Hudhayfa ibn al-Yaman, radiallahu an, a mentionné ce hadith dans un contexte bien précis. En effet, un jour, il demanda à boire. Et on lui ramena alors à boire dans un récipient en argent. Hudhayfa ibn al-Yaman, radiallahu an, radiallahu anhu, le lança et dit « Je vous informe que je lui ai déjà ordonné de ne pas me servir dans ce récipient. » En effet, le messager d'Allah a dit « Ne buvez pas dans les récipients en or, ne buvez pas dans les récipients d'or et d'argent jusqu'à la fin du hadith. » Et donc lorsqu'il dit ne buvez pas dans les récipients d'or et d'argent et ne mangez pas dans les plats d'or et d'argent, ici l'interdiction montre le caractère illicite de la chose. Il est donc interdit de boire dans des récipients d'or et d'argent, tout comme il est interdit de manger dans des plats d'or et d'argent, et ceci à l'unanimité des savants. Mais la question qu'on se pose ici est la suivante. Est-il permis d'utiliser des récipients d'or et d'argent pour autre chose que manger et boire? Et la réponse à cette question est que les savants ont divergé à propos de ce sujet. Le premier avis est que l'interdiction d'utiliser des récipients d'or et d'argent concerne uniquement le fait de manger et de boire, car c'est ce qui est venu dans les hadiths. Il est donc permis d'utiliser un récipient d'argent pour faire les ablutions, ou bien pour stocker des liquides ou autres. Et l'argument de ces savants est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est le plus savant. Et aussi, c'est le meilleur conseiller. Et donc, si l'utilisation des récipients d'or et d'argent dans un autre but que manger et boire aurait été interdit, il l'aurait démontré clairement. Et aussi, il se base sur l'histoire de Hudhayfa ibn al-Yaman, qu'Allah l'agrée. Lorsqu'on lui a servi à boire dans un récipient d'argent et qu'il dit « Je vous informe que je lui ai déjà ordonné de ne pas me servir dans ce récipient. » Ils ont dit que ceci indique que Hudhayfa ibn al-Yaman radiallahu anhu possédait ce récipient, mais qu'il ne l'utilisait pas pour manger et boire. Et ils disent aussi qu'il ne convient pas de faire une généralité dans une chose alors que les textes sont venus interdire une chose en particulier, qui est ici l'interdiction de boire et manger dans les récipients d'or et d'argent. Ensuite, le deuxième avis est que toute utilisation des récipients d'or et d'argent est interdite. Leur argument dans cela est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné le fait de manger et boire, car en général, les gens utilisent ces récipients à cet effet. Et donc, l'interdiction n'est pas spécifique, mais elle est plutôt générale. Donc voici ce que les savants mentionnent sur ce sujet. Et le mieux pour le musulman dans ce genre de sujet, où il y a des divergences, c'est de sortir de ces divergences. Concernant ce sujet, l'avis qui va nous faire sortir de la divergence est de ne pas utiliser de récipients d'or et d'argent, que ce soit pour manger, pour boire ou pour y garder des aliments ou autres. Et ceci est très important, ikhwani fillah. Lorsqu'il est possible pour le musulman de sortir de la divergence, il faut le faire. Car des fois, dans les sujets relatifs à la jurisprudence, nous avons plusieurs avis, dont un qui va nous faire sortir de la divergence. Prenons l'exemple d'un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre il y a certaines années, qui est-il permis à la femme de conduire? Donc la majorité des savants sont d'avis que ceci n'est pas permis. Et parmi les savants qui sont de cet avis, nous avons Al-Sheikh Salih Al-Fawzan. Nous avons aussi Al-Sheikh Rabi' Ibn Hadi al-Madkhali. Nous avons aussi al-Sheikh Salih al-Luhaydan. Nous avons aussi al-Sheikh al-Uthaymin et d'autres savants. Donc si la femme veut sortir de la divergence, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne conduit pas. Et les exemples dans cela sont nombreux. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il dit ne buvez pas dans les récipients d'or et d'argent et ne mangez pas dans des plats d'or et d'argent. Et ceci englobe les récipients qui sont totalement en or et en argent. Tout comme les récipients dont l'or et l'argent sont mélangés à d'autres métaux, tels que le cuivre par exemple. Elle englobe aussi toute forme d'utilisation en ce qui se rapporte au manger et au boire. Il n'est donc pas permis de cuisiner dans une marmite d'argent ou manger avec des couverts en or. Ensuite, après avoir mentionné l'interdiction de manger et boire dans les récipients d'or et d'argent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionna la sagesse derrière cette interdiction. Il dit, ils sont pour eux ici-bas et pour vous dans l'au-delà. Lorsqu'il dit, ils sont pour eux, c'est-à-dire pour les mécréants. Car c'est connu qu'ils rendent cela licite et qu'ils mangent et boivent dans les récipients d'or et d'argent. Mais ceci ne veut pas dire que cela leur est licite, mais plutôt ils les utilisent car ils ne croient pas et ils ne prennent pas en compte les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de leur ressembler dans cela. Et certains savants ont mentionné d'autres sagesses. Parmi elles, le fait que manger et boire dans des récipients d'or et d'argent, ceci va crever le cœur des pauvres. Car les pauvres n'ont pas toujours à manger et mènent souvent une vie difficile. Et donc, voir certaines personnes manger et boire dans des récipients d'or et d'argent, ceci va leur crever le cœur. Et aussi, parmi les sagesses dans l'interdiction de manger et boire dans les récipients d'or et d'argent, il y a le fait que ceci va mener la personne à être vaniteuse. Et ce genre de caractère sont mauvais et blâmables. Et donc, on tire de ce hadith certains enseignements. Le premier enseignement, l'interdiction de boire et manger dans des récipients d'or et d'argent. Et cette interdiction englobe aussi toute forme d'utilisation en ce qui se rapporte au manger et au boire. Le deuxième enseignement, dans cette interdiction, il n'y a pas de différence dans le fait que le récipient soit petit ou grand, tout comme il n'y a pas de différence entre manger beaucoup dans ceci ou un peu, même si une personne viendrait à boire une gorgée dans un de ces récipients ou manger une bouchée avec une cuillère en argent, ceci est interdit. Car il est obligatoire de s'écarter de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith d'Abu Huraira, ce que je vous ai interdit, éloignez-vous-en. Et le hadith, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le troisième enseignement, le bon enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il a mentionné la cause après avoir mentionné le jugement. Et mentionner la cause amène de la tranquillité et de l'apaisement. Et ceci fait partie des procédés profitables dans l'éducation. Comme nous l'avions mentionné dans un cours précédent, Il convient aux parents, lorsqu'ils interdisent quelque chose à leurs enfants, de leur mentionner la cause pour qu'ils s'apaisent et comprennent. Mais il ne convient pas, et ceci fait partie des erreurs répandues, d'interdire sans donner d'explication. Le quatrième enseignement, il ne convient pas à la personne d'être triste lorsque quelque chose, parmi les choses de cette vie d'ici-bas, lui échappe. Car le musulman aura l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate ad-Duha: وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. La vie future est meilleure pour toi que la vie présente. Le cinquième enseignement, lorsque la personne commet un acte et craint que les gens, l'ayant vu, l'accusent, il convient qu'il leur explique son geste. Car lorsqu'on servit Hudhayfa ibn al-Yaman, radiallahu anhu, dans un récipient d'argent, puis qu'il le jeta, il expliqua directement son geste pour ne pas qu'on l'accuse. Il convient donc aux musulmans d'écarter toute accusation le concernant. Et s'il ne le fait pas, alors qu'il ne s'étonne pas que les gens l'accusent et parlent sur lui. Qu'Allah fasse miséricorde aux pieux prédécesseurs. Certains d'entre eux disaient: celui qui s'expose aux accusations, qu'il ne blâme pas les gens s'ils pensent du mal de lui. Et nous demandons à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous faire mourir sur leur voie. Donc, inshallah ta'ala, la semaine prochaine, on continuera l'explication du deuxième hadith du chapitre des récipients. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.